toi ma fille, tout ça te dérange. Un peu plus ou un peu moins, le tort est fait, je suis pour rien. Si tu veux encore m'aider, le ciel sera de mon côté. Comment faut-il t'abandonner. Comment faut-il